Tu me regardes, ton bleu me nargue, ton rouge à lèvres me brille. Il y a du noir sur ton visage et du vert sur tes cils. Tu me regardes. Sans fin.